Sortez, votre émission culturelle et artistique sur la rage. Bonjour et bienvenue sur La Rage 99.1 pour votre sixième numéro de Sortez, votre émission culturelle et artistique. Aujourd'hui, nous sommes à Sorigny, chez Christine Collin-Desbourdes, présidente du comité de jumelage de Sorigny, qui a l'extrême gentillesse de nous accueillir, Xavier, le studio mobile de La Rage et moi-même. Et elle n'est pas seule, puisque j'ai également en face de moi Jacques Laute, président du comité de jumelage d'Artanne-sur-Indre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, Christine, chez toi, pour cette émission. Avec plaisir. Merci, Christine. Merci. Et donc, vous l'aurez deviné, nous allons parler aujourd'hui de jumelage, Union européenne, diversité culturelle, à l'occasion des 10 ans d'amitié entre le comité de jumelage d'Artanne et de Basford et de la Fête de l'Europe qui se tiendra à Sorigny dimanche prochain, à la salle des fêtes de Sorigny. Mais avant de parler de ces deux manifestations, nous allons parler de vos deux associations respectives, puisque je rappelle que des comités de jumelage sont avant tout des associations de loi 1901. Donc deux associations qui sont deux structures différentes, qui sont à deux étapes différentes de leur projet, mais qui néanmoins ont des liens très forts. Alors bon, j'ai envie de dire honneur aux dames. On va commencer par toi, Christine, et parce que le comité de jumelage de Sorigny est le plus jeune aussi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le comité de jumelage de Sorigny et nous dire d'abord qu'est-ce que c'est qu'un comité de jumelage ? Voilà. Alors, le comité de jumelage de Sorigny est né de la volonté de l'équipe municipale d'avoir une commune jumelée. Donc, il a été créé officiellement en janvier 2011. D'accord. Donc, il est encore relativement jeune, il a 5 ans d'existence. Et surtout, nous avons travaillé jusqu'à maintenant à trouver une jumelle. Et on devrait arriver à une signature, à une officialisation assez prochainement. Alors, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'un comité de jumelage ? Alors, en fait, pour faire un petit peu d'historique, les premiers comités de jumelage ont été créés dans les années 50. Ah, mais t'as tout révisé et tout. Juste après la guerre. Jacques est scotché. Je suis complètement scotché. Voilà. Juste après la guerre, dans un souci de... La phrase qui était employée, en fait, c'était « plus jamais ça ». La dernière guerre franco-allemande, tout le monde avait pour objectif qu'il n'y ait plus de conflit entre ces deux pays et voire même élargir plus de conflits européens du tout. Donc l'idée du comité de jumelage, c'est ça à la base, c'est de créer des amitiés, c'est un rapprochement des peuples, c'est de créer des amitiés et de mettre en place tout un tas d'activités qui font se rencontrer les peuples, échanger. Alors les échanges peuvent être divers et variés, hein, ça peut être culturel, touristique, gastronomique, sportif, ouais. etc. Ça peut vraiment être varié. Mais au départ, c'est ça, c'est développer l'amitié entre les peuples pour qu'il n'y ait plus de guerre entre les pays européens. D'accord. Un beau message de paix, quoi. Complètement. D'accord. Tout à fait. Et donc, pour revenir à Sorigny, pour l'instant, le comité de jumelage de Sorigny n'a pas encore sa jumelle, on est d'accord ? Non, tout à fait. Mais, on pense, on espère, et ça devrait se faire avant la fin de l'année. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité internationale le nom de la commune ? Oui. Alors, cette commune s'appelle Box. D'accord. Donc, c'est situé dans le Wiltshire, dans le sud-ouest de l'Angleterre. D'accord. C'est une commune qui est un tout petit peu plus grande que Sorigny, puisque c'est à peu près 4000 habitants. D'accord. Mais c'est une commune semi-rurale, comme Sorigny. On a pas mal de points communs. C'est une très jolie région, très vallonnée. C'est vraiment très mignon, avec des gens très sympas. Donc, qu'on rencontre depuis maintenant plusieurs années. Ça fait à peu près 4 ans qu'on a commencé à créer des liens. Et donc, l'officialisation, la signature est très attendue, parce qu'on veut que ce mariage soit officiel. Maintenant. D'accord. Voilà. Et pourquoi la ville de Box ? Voilà, alors ça paraît très important et je suis ravie que Jacques soit là aussi ce soir, puisque j'ai envie de dire que c'est grâce au comité de jumelage d'Artanne jumelé avec Basford, qui n'est pas dans le Wiltshire, qui est dans le Somerset, hein, c'est bien ça ? Oui, je crois que c'est ça. Ouais, mais, c'est tout à fait ça. Et en fait, nous, on a Basford et Kingsdown, parce que ce sont deux petits... petites communes entre guillemets qui se sont approchées. Ouais. Basford est dans le Somerset et Kingsdown est dans le Wiltshire, à côté de Box. Ouais. Et donc voilà, deux communes. On a eu le cours de géographie après le cours. Tout à fait. Deux communes qui sont vraiment très proches l'une de l'autre. Et en fait, c'est Maureen Breeze qui est la présidente du comité de jumelage de Basford, qui a eu contact avec des gens de Box. Bon, et puis Jacques avait fait aussi le travail de dire qu'éventuellement il y avait une commune de la vallée de l'Indre qui cherchait potentiellement une ville jumelle. Eh bien, le rapprochement s'est fait comme ça, donc à la base, par relation Basford-Artane. Donc, ce qui pourrait être sympa, parce que deux communes de la même région d'Angleterre jumelées avec deux communes de la vallée de l'Indre, on peut imaginer derrière tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Oui, c'est chouette. C'est chouette. Ça fait des très belles perspectives. Oui. Avant de passer, de me tourner vers Jacques et de parler d'Artane, une dernière question. Du coup, qu'est-ce que fait le comité de jumelage depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de ville jumelle, donc on peut se demander... Enfin, on peut se dire, ça ne prend pas tant de temps de faire un jumelage, alors qu'en fait, c'est peut-être beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Tout à fait, c'est un travail de très longue haleine. Alors, on s'est rencontrés de temps en temps, dans ce qu'on a fait, Nous sommes allés en Angleterre deux fois. Il y a une troisième fois qui est organisée dans une dizaine de jours. On pourra en parler tout à l'heure. Oui. Voilà. Les Anglais sont venus assez régulièrement. On a eu un dernier groupe qui était là en septembre 2014 qui venait avec l'objectif de jouer à la pétanque. Ah donc, oui, on a organisé des belles rencontres de pétanque entre les gens de Box et les gens de Sorigny. Et puis, sinon, le comité de jumelage, ce qu'il fait dans l'année, eh bien, il essaie de trouver, de mettre en place des activités pour vivre. D'accord. Et pour, parce que dans la perspective du jumelage, on a besoin d'avoir de la trésorerie. Donc, on a fait différentes activités. À une époque, on organisait des lotos, on organisait le bal de la Saint-Valentin. On participe toujours. Alors ça, on a arrêté. Mais par contre, on participe toujours à des manifestations locales, comme par exemple la fête de la musique. D'accord. On s'associe toujours à la fête de la musique. Donc là, on fait des crêpes, des chichis, etc. Et puis, il y a des cours d'anglais aussi. Oui, bien sûr. Et il y a aussi les cours d'anglais qu'on a mis en place il y a 5 ans, qui durent toujours. Il y a une quinzaine d'élèves, que des adultes, et ça marche très très bien. D'accord. En fait, si on veut prendre des cours d'anglais, on peut venir à Sorigny. Bien sûr. D'accord. Tout à fait. Très bien. Maintenant, je me tourne vers Jacques, donc président du comité de jumelage d'Artane. Et Artane a une particularité, c'est qu'elle a deux jumelles. Absolument. C'est à moi. C'est allez, à... on y va. Nous avons donc deux jumelles, effectivement, deux communes jumelles. Nous existons depuis 2000. Hein, on a démarré sur le millénaire. On avait vraiment envie que ce soit une date qui marque. Donc, le comité de jumelage d'Artane s'est créé en 2000. Et nous avons réalisé notre premier jumelage en 2003 et le second en 2005-6. D'accord. Je dis 5-6 parce qu'on a fait 5 en Angleterre et 6 chez nous à Artane. D'accord. En fait, il s'agissait d'une volonté municipale, hein, c'est ce que Christine disait tout à l'heure, parce qu'un jumelage, c'est d'abord un serment entre deux communes, hein, c'est un serment d'amitié, un serment d'échange entre deux communes, une commune qui est la nôtre et puis d'autres communes qui viennent de par le monde. Donc, de notre côté, nous avons monté un site internet pour présenter notre village. Et puis, rapidement, des Italiens se sont fait connaître en disant « Ah oui, la vallée de l'Indre, ça nous intéresse, le Val de Loire, la Touraine, les châteaux, Léonard de Vinci, la Renaissance, etc. etc. » etc. Donc, on connaît les Italiens très volubiles, donc ils sont vite venus nous voir en février 2001 pour la première fois. Parce que c'est la première commune avec laquelle vous avez joué l'Italie. Voilà, exactement. Donc, première commune, premier contact, je crois que c'était... 15 jours après la création de notre site internet, hein, ça a été très très très très rapide. Et donc ils sont venus en 2001 et tout de suite derrière on a les Anglais qui nous ont contactés en nous disant « écoutez, la vallée de la Loire, ça nous intéresse ». Enfin bon, un peu le même schéma. Hein. Mais alors j'ai une question peut-être basique, mais comment on trouve une ville jumelle ? Il y a des sites de rencontres entre communes ? Comme sur Tinder, ça match ou ça match pas, je sais pas. Oui, c'est un peu ça, hein, c'est un peu comme le Bon Coin, quoi. Bon, le Bon Coin, c'est actuel. Nous, à notre époque, c'était Internet, 2000, quoi. Internet voilà, en 2000, c'était Internet. Donc, on montait un site, on se présentait, et puis voilà, et les gens se cherchent. Parce que bon, on avait essayé par les organisations européennes et autres, mais bon, ça répondait pas. C'était compliqué, c'est comme Pôle emploi, quoi. C'est très compliqué. On les salue. Oui. Bon, par contre, Internet, ça marchait très bien, et puis effectivement, effectivement, à partir de mots-clés, si vous voulez, vous rentrez quelques mots-clés, et puis voilà, vous cliquez dessus, et puis vous trouvez des contacts. Donc après, on défile tout un tas de choses. D'accord. Et les Italiens sont venus très, très vite là-dessus. Bon, moi, je connaissais un petit peu la Toscane, puisque Rocca Strada se trouve en Toscane. J'étais allé en vacances 3 ou 4 ans auparavant. Et quand j'ai vu arriver sur Internet aussi. Et oui, quand j'ai vu arriver ce village, je l'ai situé sur une carte. J'ai dit, mais attends, mais c'est passionnant, c'est juste en dessous Sienne, je connais la région. Ouais, voilà, chouette. Donc bon, on a surtout pas raté cette occasion-là, même si ça fait 1500 km, enfin 1400-1500, c'est loin, mais c'est magnifique quoi. Quand on est là-bas, c'est le soleil, c'est voilà, c'est tout. C'est d'accord. Bon, enfin voilà. Donc ça, c'est la partie italienne. Alors quand nous nous sommes jumelés en 2003 avec les Italiens, nous avons fait venir des Allemands. Puisque en fait, logique en soi. Oui, c'est voilà, parce que les Italiens en fait étaient déjà jumelés avec des Allemands, donc nous les avons invités, puis les Allemands sont venus, ils ont trouvé ça bien, ils nous ont demandé à prendre contact avec nous, mais bon, on avait déjà les Anglais qui tapaient à la porte, donc on a repassé les Allemands à Mont, hein, voilà. Et finalement les Anglais aussi, c'est pareil, se sont un petit peu incrustés entre guillemets, hein, ils ont pas arrêté de nous harceler, et puis au bout d'un moment il a fallu convaincre le conseil municipal de faire un deuxième jumelage, ce qui n'était pas du tout prévu. C'était d'accord. Un peu compliqué, mais bon, on l'a parce réalisé. Que ça coûte de l'argent, comment ça se passe? Alors ça coûte l'argent qu'on veut bien y mettre. Hein, en fait, on peut faire un serment de jumelage gratuitement. Hein, c'est juste une charte, on la signe ensemble. Mais bon, c'est vrai qu'il faut. Après, faut le faire vivre. Quoi. C'est pas qu'une signature. Après, oui, derrière, faut les faire des activités. Mais bon, il y a un peu de subvention européenne aussi à aller chercher. Donc, on monte des dossiers et puis. D'accord. Et puis ça se passe comme ça. Mais les Anglais, en fait, sont comment dire, ne souhaitent pas en fait que leur jumelage, que leurs activités coûtent de l'argent à l'Europe. Les Anglais, en fait, ne se sentent pas complètement européens. C'est un peu le problème. Et ils ont toujours des réticences à demander des subventions. Donc pour eux, il faut que ça ne coûte rien. D'accord. Et justement, vu qu'on parle de la situation de l'Angleterre, est-ce que, par exemple, le référendum qui risque d'avoir lieu... Ah, le Brexit, lieu, d'ailleurs. Oui, le oui, Brexit. C'est ça. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur vos jumelages respectifs? Absolument pas. Non. Non, non. D'ailleurs, nos Anglais sont francophiles, francophones en plus. Et, et puis, bon, ils adorent la France. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Anglais dans la région en plus. Hein, c'est une région. En fait, les gens qui font partie des comités de jumelage en Angleterre sont plutôt des Européens. Oui. Bon, faut déjà y croire, faut déjà croire à l'Europe, j'imagine. Voilà, ce sont des Européens et ce sont des gens d'un niveau social quand même assez élevé, hein, quand même. Ils circulent bien. D'ailleurs, c'est fantastique de voir ces Anglais parce qu'ils circulent dans le monde entier. Ils sont partout chez eux. Hein. D'accord. Oui. Et puis la France, ils aiment beaucoup, parce que c'est un lieu de passage pour eux. Et donc, du coup, vous avez donc deux jumelles. Oui. Et quel genre d'action vous avez réalisé avec... parce qu'en fait, finalement, Artane se situe par quasiment 10 ans. On peut dire que dans 10 ans, Sorry oui, sera dans la situation d'Artane. Tout à fait, tout à fait. Tant sur le plan spatial que sur le plan temporel. Absolument. Enfin... On essaye d'avoir des échanges annuels. Donc au moins une fois aller se rendre à Basford ou une fois les recevoir. Bon, c'est pas très compliqué avec les Anglais parce qu'ils descendent assez facilement. Les Italiens, c'est plus compliqué parce qu'ils restent sur leur soleil, ils aiment pas venir. Ouais, il pleut puis ici. Puis c'est loin, et puis voilà, et puis c'est compliqué, et puis la mamma, elle est pas bien, et puis ouais, etc., etc. C'est comme ça. Non, avec les Anglais, c'est fantastique parce qu'en plus de ça... y a une histoire entre les Français et les Anglais, c'est toujours des échanges... cordiaux et puis en même temps assez violent. Bon, on vend les anneaux de Jeanne d'Arc. Oui, comme ça. Mais voilà, mais c'est passionnant. Et puis bon, il y a le rugby, il y a le crunch, il y a tout un tas de choses qui font que on a beaucoup d'intérêt à se rencontrer et puis à se mesurer ensemble. Quand on va sur Basford, on fait des parties de skittle et le skittle c'est des parties de boules. Donc c'est pour ça qu'ils aiment aussi la pétanque. Ouais. Enfin voilà, il y a des compétitions. Hein. Et curieusement d'ailleurs, notre soirée de jumelage en 2005 à Basford, nous l'avons fêtée à Box. Ah ouais. Eh oui. Ah c'est marrant. C'est marrant. C'est le village d'à côté et puis ils ont un très beau terrain de boules aussi et puis ils ont des très belles salles des fêtes. Ouais, ils ont un beau terrain de boules, 6 habitants. Ah ouais, c'est fantastique. Ouais. Bon, et puis les pubs anglais c'est grandiose. D'accord, très bien. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Jacques. C'est vrai que nous, à chaque fois que des Anglais viennent, systématiquement, bien que notre jumelage ne soit pas signé, mais systématiquement, ils vont à l'école élémentaire. Et en fait, les enfants des écoles, maintenant, les connaissent, les attendent. Ah, et il y a vraiment des liens qui se sont créés entre deux ou trois couples de boxe. Et l'école élémentaire, et ça c'est très très agréable parce que il y a intergénérationnel, y a une vraie... en voilà. plus il y a ce côté ouais, là ouais, tout à fait. On pourrait penser que bon c'est des échanges entre les écoles et ça s'arrête à ce niveau-là et qu'après il ouais, y a non. pas de lien et non au contraire ce qu'on non disait, non la là pétanque, c'est avec des adultes ou des choses comme ça oui, oui. Que oui puis là ce sont des adultes avec les enfants quoi donc c'est très intéressant parce qu'il y a toujours une attente Bon et nous sur Artane nous avons reçu des jeunes de Basse-Forte qui venaient qui passaient l'équivalent du bac hein, chez eux et puis bon ils avaient un mois tranquille ou autre et ils viennent sur Artane passer quelques jours pour se détendre et on a même un jeune qui est venu pendant 3 années de suite à chaque rentrée scolaire pour présenter un petit peu l'Angleterre, puis parler en anglais avec les gamins de CM1, CM2, et c'est assez grandiose parce que ça marque les enfants et ça c'est oui, et puis ça leur donne le goût des langues, beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus concret que, voilà. Oui, c'est ça qu'un livre où ils vont apprendre. Tout Where à fait. Is Brian? Voilà. Brian is in the kitchen. Bon, on se retrouve dans. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour parler des prochaines manifestations à Artane et Sorigny. À tout de suite. De retour sur la rage, nous sommes toujours avec Christine Collin-Desbourdes, présidente du comité de jumelage de Serigny, et Jacques Laude, président du comité de jumelage d'Artanne, qui nous ont présenté leur ville jumelle respective, ce qu'était un comité de jumelage, et parce que dès cette semaine, en fait, il va y avoir des manifestations à la fois sur Artanne et Serigny. Alors, Artanne, d'abord, fête les 10 ans de leur jumelage avec Basford, on va peut-être commencer par là, puisque finalement la manifestation de Serigny va clore cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette manifestation? Il y a plein de choses de prévues à Artanne. Artanne, c'est ça. Voilà, Artanne sur Indre. Dès vendredi, à Artanne sur Indre. Oui, pas Artanne sur Touai, à Artanne sur Indre. On y va? On y va. Alors, donc nous allons célébrer nos 10 années de jumelage avec les Anglais, puisque nous l'avons célébré, je crois, en juin 2006. D'accord. Et là, nous serons donc le 22 mai 2016. Donc, nos amis anglais arrivent en voiture, par avion, ils arrivent jeudi soir, nous allons les accueillir, il y a une trentaine de personnes qui viennent, nous les logeons en famille, comme toujours, hein, c'est la règle, et nous allons en fait tourner autour des rencontres chorales, parce que nous avons fait une rencontre en 2015 sur Basford, où nous sommes montés avec la chorale d'Artanne qui s'appelle Choralis, et qui a chanté là-bas, qui a fait un concert avec eux, voilà. Et donc là, on a le retour, on a en fait la chorale anglaise qui vient, et toutes ces manifestations tourneront autour des rencontres chorales. Ça se fera le samedi soir dans l'église d'Artanne. D'accord. Sinon, nous célébrerons nos 10 ans de jumelage le samedi autour entre midi et midi 45 sur le parvis de la mairie. Ah, en fait, on fait le programme à l'envers là. Je suis en train de. Oui, on fait le programme un petit peu à l'envers, bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est tellement plus simple. C'est pas un problème. Voilà. Donc, à ce moment-là, nous célébrerons, enfin, nous relirons les serments de jumelage en français, en anglais, avec les maires qui ne se connaissent pas, puisque ce sont des maires nouvellement élus, hein, des deux côtés. Et d'ailleurs, le cycle des maires en Angleterre est plus court, non? Je crois que c'est. Oui, je crois que ça doit être un an ou deux ans. Oui, oui. En fait, ce sont des personnes du village qui se dévouent pour représenter leur petit village auprès de la grande ville. Il n'y a pas d'élection, je ne sais pas comment ça se passe. Si, il y a quand même un système d'élection, enfin, c'est un peu compliqué. Hein. D'accord. Et ça complique pas la situation vis-à-vis des choix. Justement, par exemple, avec Serigny, est-ce que c'est pas ça qui complique le fait de signer plus rapidement ou pas? Oui, bien sûr, parce que notre jumelage devrait déjà être signé. D'accord. Voilà. Bon, voilà. C'était juste pour faire un point. Pardon, oui, on revient sur Artanne. Voilà. Et puis, bon, le matin, pour animer un petit peu tout ça, on va faire une petite rencontre patrimoine avec les Sentiers d'Ulysse. On va faire visiter le village à nos Anglais, puis nos Italiens, puisque nos Italiens viennent aussi soutenir un petit peu cette manifestation-là. D'ailleurs, ils viennent en bus, ils sont une trentaine de personnes. Là aussi, c'est une chorale, donc on va faire des chants. Sous la forme d'une randonnée, donc, en fait. Une petite randonnée pour visiter le village, oui, de 2-3 km, c'est tout. On va montrer les monuments. Ah oui, donc c'est pour tout le monde. Et c'est offert Bien sûr, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. D'accord. Si vous connaissez pas Artanne, faut venir. Hein. Vous verrez, c'est magnifique. Hein. Bon, enfin voilà, je vous dis pas tout parce que sinon c'est pas la peine. Un peu de suspense. On veut son moulin. Son église, son château, son palais des archevêques quand même. Attention, ouais. Hein, c'est pas rien. Ouais. Alors ensuite, on fera une zumba sur la place de la Liberté. Donc là, c'est pareil, c'est gratuit. Hein. C'est aussi pour impliquer les associations du village. Hein. Et puis donc après la cérémonie officielle, vers 12h30, un vin d'honneur après sur la place de la Liberté. Mm-hmm. Et puis après, après-midi libre, et le soir, le concert de toutes les chorales. Hein, chorale italienne, anglaise, française, et puis je crois qu'on a invité aussi une chorale d'Azel Rideau, où on a pas mal d'Artanais qui chantent. D'accord. Voilà. Et le dimanche, bien sûr, nous rejoindrons Serigny pour la fête des jumelages. Et nos Anglais et nos Italiens y tiendront un stand pour vendre un peu leurs produits et peut-être se rembourser une partie de leur voyage. Jacques me donne la transition, j'ai plus rien à faire. Christine, tu n'as plus qu'à présenter très très bien cette fête de l'Europe, en fait, ni plus ni moins. Serigny sera le centre de l'Europe pendant une après-midi, une journée. Exactement. Une après-midi. Exactement. Alors là, on va faire aussi un tout petit peu d'histoire. Puisque d'où vient la fête de l'Europe? Eh bien, c'est tout simplement, c'est un acte assez fondateur quand même. C'est Robert Schuman qui, le 9 mai 1950, a instauré la journée de l'Europe. Donc, qui est théoriquement le 9 mai dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, donc le 9 mai de chaque année, mais il y a une tolérance de pouvoir fêter l'Europe n'importe quel jour du mois de mai. Donc là, nous... Ça, nous c'est pour vous dédouaner de le faire le 22, c'est ça, en fait? Oui, oui, mais notre date, elle n'a pas été fixée n'importe comment, parce que justement, oui, c'était intéressant de pouvoir la fixer en parallèle de... Oui, et puis c'était en plein milieu des vacances, accessoirement. Donc, oui, non. Oui, puis le 9 mai, c'est une date fixe. Quand voilà, ça tombe en milieu de semaine, c'est pas lundi, très pratique. Hein. Un lundi, on c'est un peu comme la fête de la musique, ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, alors, cette fête de l'Europe débutera à partir de 13h30 à la salle des fêtes de Sorigny. D'accord. Donc, on ouvre le marché européen. Donc, en fait, il y aura les gens de Basford et de Rocastrada qui arriveront avec leurs produits. Mais Sorigny aura aussi un stand de produits anglais. Et puis, on rappelle qu'il y a six autres communes de la CCI. Mont aura des produits belges et des produits allemands, puisqu'ils sont jumelés avec la Belgique et l'Allemagne. Grâce en partie à Artane, qui est un peu entremetteuse des communes. Tout à fait. Montbazon aura des produits anglais, enfin. C'est Brentwood, hein. Truy aura des produits chypriotes. Donc, enfin, venez faire vos courses, il y aura des tas de choses à acheter diverses et variées à ce marché européen. Ensuite, à partir de 14h, il y aura deux randonnées qui seront organisées. Alors, une randonnée pour les adultes qu'on organise conjointement avec l'association Les Sentiers d'Ulysse d'Artane. Oh là là, c'est beau. Très active, ouais. Voilà, très active sur cette organisation. Et encore, vous ne savez pas tout. Non, mais je les remercie parce que ils ont fait un gros travail de repérage de lieux, etc. Donc là par contre, ce sont des randonnées payantes. Donc il y aura soit une randonnée de 9 km, soit 12 km. D'accord. C'est 3 euros l'inscription pour les non licenciés, 2,50 euros pour les licenciés, avec bien sûr un ravitaillement à la moitié de la randonnée à peu près. Mais ça n'empêche pas les gens de se licencier aux différents comités de jumelage en parallèle, par contre. Ah bah exactement. Exactement. En parallèle, on fait une randonnée familiale. Alors là, c'est plus tourné vers les enfants. D'accord. Une randonnée qu'on appelle randonnée quiz. Et donc là, qui restera dans Sorigny. Les enfants pourront se promener avec leurs parents tout en répondant à des questions sur l'Europe. Ils iront à différents postes. Il y aura 4 postes différents dans Sorigny. Ceux qui auront bien répondu aux questions auront des récompenses. Donc, vraiment, les enfants, venez nombreux. Il y aura des choses très intéressantes et vous apprendrez surtout plein de choses sur l'Europe avec Super. Des questions qui seront par groupe d'âge. Il y a 3 séries de questions, donc pour les plus petits, pour les moyens et pour les plus grands, hein, parce que les adolescents peuvent vraiment venir aussi. D'accord. Voilà, jusqu'à 77 ans. Oui, exactement. Mais bon, 77 ans, ils n'auront pas besoin de venir avec leurs parents. Quoique. Sinon, ils auront des entrées gratuites. À 16h, on fait un goûter. Voilà, à 16h, on fait un goûter. Et à 17h, on fait une conférence. D'accord. Sur le thème de l'Europe au quotidien. Dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que nous a amené l'Europe ? Donc là, ce sera une conférence animée par une personne qui s'appelle Alain Barraud, mm-hmm. qui est quelqu'un qui fait partie du Parlement européen. D'accord. Qui a vraiment un curriculum vitae assez impressionnant et il pourra vraiment, je pense, nous passionner sur ce que nous apporte l'Europe dans notre vie de tous les jours. D'accord. Voilà. Très bien. Et ensuite, la municipalité de Sorigny. Ça, c'est à la salle des fêtes. Hein, Tout est autour de la salle des fêtes. Et puis après. À partir de 13h30, venez à la salle des fêtes de Sorigny et on saura vous guider sur les différentes activités. Et puis à 18h, on va clôturer par un pot de l'amitié offert par l'équipe municipale de Sorigny. D'accord. Très bien. Voilà. Bon, je pense que tout est clair. Est-ce que vous avez d'autres remarques, des messages à faire passer ? Oui, juste une petite chose quand même, parce que ces fêtes des comités de jumelage. Elles permettent de réunir les comités de jumelage de la communauté de communes du Val de l'Indre. Exactement. Et ça, c'est une initiative, on va pas le, si on le dit, allez, d'Artane encore. Oui. ça a commencé en 2004, en fait, parce que justement, on avait nos Italiens, nos Anglais, les Allemands, etc. On s'est dit, mais attends, on peut pas jumeler avec toute l'Europe, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a appelé au secours les autres comités de jumelage de la communauté de communes et on a décidé chaque année de se réunir dans le mois de mai, soit le 9 mai quand ça tombe bien, soit un autre jour dans le mois de mai. Et on célèbre ensemble, tous ensemble, l'Europe et puis nos activités. Ça nous permet d'échanger et puis c'est sympathique, quoi. J'ai une question piège, du coup. Ouais, vas-y. Comment ferez-vous l'année prochaine ? Ah mais alors attends, ça tourne. Quand le Val-de-Lindre sera jumelé oui, avec la. Alors justement, là c'est un nouveau chantier qui s'ouvre. Hein, bah, voilà. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, on tournait par ordre alphabétique. Hein. C'était d'abord Artane, Èvre, Montbazon, Mont. Après on a eu Saint-Brand. Oui, oui. Après il y a Truy qui est arrivé et maintenant Sorigny. Bon, il manque Vénier, mais Vénier bon. N'a pas de comité de jumelage. N'a pas de comité de jumelage. Ah ouais. C'est la seule commune qui n'en a pas. C'est la seule commune du Val-de-Lindre. Bah oui, mais bon, ils sont comme ça à Vénier. Bon alors les Vindiniens, trouvez-vous une jumelle quoi. Absolument. Absolument. Exactement. Alors, de donc, préférence, un pays qu'on n'a pas, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, bah, il reste l'Espagne, le Portugal, mais je crois que Saint-Brand est en discussion avec, avec le Portugal, oui, hein, pour le tout moment. Tout à fait, oui, oui, Saint-Brand est en discussion. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui reste. Sinon, hein. Si, alors, tout à l'heure, on parlait de comment trouver une jumelle. Alors, il y a quand même un site officiel qui s'appelle la FFCCRE. Comme disait Jacques, c'est peut-être un peu comme Pôle emploi, on n'y trouve pas forcément ce qu'on attend. Mais par contre, il y a énormément d'annonces sur ce site pour tous les pays de l'Est. D'accord. Et en fait, si vous acceptez de vous jumeler avec la Lituanie, la Bulgarie, avec la Pologne, avec la Bulgarie, là, ils ont des tas d'annonces. Avec Ryanair, Bulgarie, c'est exactement. Super facile, hein. Là, ils ont des tas d'annonces et c'est relativement facile. Donc, sur les 28 pays européens, il en reste quand même beaucoup pour la vallée de l'Indre, voire la vallée de l'Indre élargie avec la nouvelle communauté de communes l'année prochaine. Il reste des tas de pays avec lesquels se jumeler très, très facilement. Et je vous dis, les pays de l'Est sont vraiment très demandeurs bah, parce que, de toute façon, l'Europe aime la France. Voilà, le savoir-vivre français et tout ce qui se passe en France, globalement, l'ensemble des pays européens, voire au-delà, hein, parce que les Américains, ils adorent aussi. Enfin, tout le monde aime la France, quoi. Que tu le vends bien, voilà, quand même. comme dit un de mes amis hollandais, il dit toujours « Dieu habite en France ». En général, c'est quand on lui a servi un bon verre de rouge. D'accord. Avec un fromage de chèvre. Qu'on pourra déguster pendant le marché européen. Il n'y aura peut-être pas de fromage de chèvre. Mais si vraiment tu en veux, on va en mettre. D'accord. Un. Bon, donc je viendrai. Donc je rappelle que Artane fête les 10 ans d'amitié avec Basse-Fort du 19 au 23 mai avec les manifestations. Vous avez des manifestations vendredi 20, samedi 21 et dimanche. Vendredi 20 et samedi 21 mai à Artane. Vous avez tous les renseignements si vous voulez complémentaires au 02 47 26 92 87. Et. Cette fête se clôturera au moment où la CCVI, enfin la communauté de communes du Val-de-Lindre, fêtera via tous ses comités de jumelage, fêtera l'Europe le dimanche 22 mai à partir de 13h30 à la salle des fêtes de Sorigny. Et tout ça, c'est offert par la région, par la CCVI, par les municipalités, les par l'Europe. Les municipalités, voilà, tout à fait. Voilà. Bien, un grand merci à tous les deux. Merci. Merci. Et donc, à dimanche. Et à dimanche. À très bientôt. Merci.